Ok. Joule. Dans les plates. Je les vois pas quand je suis pas bien. Envie de tous les insulter. C'est là que je m'aperçois qu'ils valent rien. Ils attendent juste de me voir chuter. J'ai salivé. Oh j'ai salivé. J'ai salivé. Trop de salopes qui veulent me voir à l'ombre. Cette année je vais me débuter, je vais me marquer du talent. Trop de talent, vers le bonheur nous allons. Pas besoin de tous ces débits pour monter de galons. Je reste à ma place gros, moi j'ai pas le bras long. Ils font quel tu plais, c'est plus une queue, c'est une rallonge. Un gros pétard avec mon vol Vic pêche. On fume comme des zombies, je croirais dans Walking Dead. Les flics ils viennent péter et ils sortent plein de disquettes. Reste tranquille, soit disqué, c'est qu'au jour où ils pètent. Moi je rappe toujours pour les vrais, pour les causes. Dans le game ça dort trop, je les bouscule, faut que je les pousse. Enragé on les tousse, on sent plus les coups. Fais gaffe à ton charbon, tes ennemis t'en surécoute. Croyais que ça durait pas avec mon sorbet et ma coupe. Dans les assiettes remplies, regarde quand même dans ma soupe. Y'a des peu pondé, c'est des bérettes à dans ma soute. Cherche la merde, on t'encule, on en a plus rien à foutre. Je viens de là où tout le monde a goûté la prison. Où on était tous soudés, c'est chacun sa mère à présent. J'ai l'impression que ces bâtards ils jouent un rôle. Alors comme ça tu fais du rap mais tu ressembles à un troll. Ils voient ma caisse, ils gardent ma tête et me contrôlent. Monsieur l'agent, j'ai fumé du shit parce que ma vie n'est pas drôle. Je les vois pas quand je suis pas bien. Envie de tous les insulter. C'est là que je m'aperçois qu'ils valent rien. Ils attendent juste de me voir chuter. J'ai salivé. Oh j'ai salivé. J'ai salivé. Oh j'ai salivé. Je les vois pas quand je suis pas bien. Envie de tous les insulter. C'est là que je m'aperçois qu'ils valent rien. Ils attendent juste de me voir chuter. J'ai salivé. Oh j'ai salivé. J'ai salivé. Oh j'ai salivé. Ouais, bande de fils de. Vous sentez la rage? Hein? Du tout le man. Je crois bien que je viens d'une autre planète. Hey. D'or et de platine.